Fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Le plan d'aujourd'hui à l'Assemblage Requis. Alors Alex Marchand de la GUQTR pour parler de ce qui s'est passé dans le passé, dans le présent et dans le futur de l'Association Générale des étudiants de l'UQTR. Et on a une grosse pointe d'adresse aussi pour manger et boire jusqu'à ce qu'on soit rempli. Assemblage Requis, comme on dit tout de suite. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 9 février 2017, à 77 jours de la fin de l'année scolaire. On t'en disait des studios de 6 fois 3 rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Antonia Baudin. Oui, la vie continue, mais l'émission doit commencer un jour. Ben oui, pas le choix. Elle n'a pas le choix de se rendre à destination jusqu'à 9h30. Exact. Ah ouais? Donc, on a 2 heures ensemble à passer presque, environ, peut-être, genre une heure et demie. Okay. Ouais, peut-être un petit peu moins. Aujourd'hui, l'émission, on a Alex Marchand de la GAQTR qui va venir nous parler. C'est le président. Donc, il a plein de choses à discuter avec nous. Il m'a envoyé sa liste de sujets, mais même si je vous en parle, vous n'allez pas nécessairement tout comprendre, fait que ça servirait pas à grand chose. Mais mettons, exemple, on pourrait avoir la cérémonie de remise de bourse, le camp des admins, le 5 à 7 sur l'emploi, la remise des bourses de la fondation. Non, ça c'est la semaine passée. Il y a tellement pas d'affaires cette semaine, il y a quasiment rien. Je suis retourné en arrière. Quand les admins, c'est une remise des bourses, 5 à 7 sur l'emploi, c'était escrit ici. C'est tout ce qu'il y a à dire dans la chronique de la GE, ça va sûrement être pas mal court. Ça s'en vient à 8 heures. Ensuite de ça, on va avoir ta chronique à toi, Tania Isgola Entertainia. Qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Bien, en temps normal, les jeudis... Depuis le mois de décembre, ouais, c'était pas ça, mais OK. Je faisais un retour sur l'actualité, mais là, on va le refaire. Cette semaine, je vais vous présenter un petit peu ce qui a retenu mon attention à moi dans l'actualité. Ça peut être des sujets qui ont fait beaucoup parler, comme d'autres qui n'ont pas tant fait parler, mais qui, selon moi, sont quand même assez importants. On reprend le beat. Et voilà. De savoir ce qui se passe autour de nous. Pas le choix, c'est le même qu'il faut rester à l'affût. Voilà. Je dirais 8h15, 8h30 après Alex Marchand, finalement. Oui, exact. Ça risque pas d'être jusqu'à 8h30 qu'on va tirer avec Alex. Hein? Ça devrait pas. Dans quelques instants, on va se faire. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on avait une grosse pointe d'adresse, donc la chronique des produits du tiroir, c'est-à-dire tout ce qui est mangeable, mal bouffe, mal boisson. Est-ce que tu vas nous faire déguster tes biscottes qui sont là depuis 4 jours? Mes biscottes? Mon biscottier? Les biscottiers, ben oui, de la chasse-galerie. Ça date d'hier, ça, rien. Ah, je croyais que t'en avais plusieurs d'accumulés dans ton... ça se peut peut-être que oui, dans le fond, je sais plus. Tu sais, il faut commander minimum 5$ à la chasse-galerie pour pouvoir prendre une carte de crédit. Exact. Et c'est tout ce que j'ai comme argent de la carte de crédit, moi, ça. Ouais. Fait que je prends un petit dessert pour aller avec ma pâtisserie du matin. Fait que j'en ai comme en trop. Fait qu'il faut que j'y mange plus tard dans la semaine. Mais il les emmagasine dans son bureau. J'en ai deux. J'ai un brownie et un biscotti. Ah, OK. Dans mon sac à main. J'espère pour toi que le brownie va rester frais. J'ai hâte de voir. Bref, moi, manger pareil. Donc, c'est ça, c'est à peu près l'émission d'aujourd'hui. Sinon, dans quelques instants, le temps qu'il nous reste, si Alex Marchand n'est pas arrivé, on fera peut-être quelque chose. Je ne le mentionnerai pas parce qu'on n'est pas sûr de ce qui s'en vient. Donc, écoutons pour l'instant une pièce de Gab Pocket. Gab Pocket. Je pense qu'il veut se faire pardonner. C'est le même Gab Pocket? Le même Gab Pocket. Celui qui avait dit des niaiseries sur Internet il y a une couple d'années. Je sais pas. Ben, c'est pas lui qui avait... C'est pas Gabrois? Ah, c'est Gabrois, t'as bien raison. Non. C'est pas le même gars. C'est pas le même, mais les deux ont quelque chose à se faire pardonner, je crois, parce qu'ils nous offrent des diamants. Oh. Ah, Assemblage Requis. Ce soir, je la sors dans les clubs qui la branchent. Au lieu de la voir faire sa danse devant des cons qui s'en branchent. Son corail dans la brume, entre les vagues de sa nuque, je suis son pédoncule, je suis le ton sur son sucre, sans phare sur le boulevard, elle retouche son maquillage, bientôt les boules miroirs toucheront son coquillage. Elle se reparfume à l'autel sur la Bible, des cierges qu'elle allume, de sa robe invisible. Ce soir je l'adore quand sur mon corps elle se penche, sa peau blanche et j'entends chanter les anges, son bronzage sur la dune. À l'ombre de sa lune, les yeux dans la lagune, à chacun sa chacune. Ses rêves sont sur le trottoir où elle côtoie toutes les stars, les limousines qui passent et les caniches qui aboient. En haut du building de verre, elle a perdu l'équilibre, elle a remis à l'envers sa robe invisible. Elle ne fait plus l'étoile de la pénombre à l'aurore, précieuse comme le cristal qui ne dure qu'un instant. Le doux soleil d'or sur les plages d'argent. Elle ne porte seulement qu'un collier de diamants. Qu'un collier de diamants. Qu'un collier de diamants. Qu'un collier de Ok, la pièce diamant à assemblage requis. Maintenant, voici son foutu palmarès. Non. Non. J'ai encore fait la même chose que l'autre fois. J'ai classé mes fichiers par ordre de date et non pas par ordre de titre. Je sais pas comment je fais pour faire ça, mais c'est pas grave. Son foutu palmarès. Foutu Palmarès, l'accueil dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, ça va être très, très rapide, très short and sweet, mais on va quand même se renseigner un petit peu sur les gens derrière les noms de fast-food. Oh, d'accord. On est jeudi, donc journée d'une grosse pointe à l'adresse. On n'a pas le choix de parler de fast-food, c'est comme ça. Donc, est-ce que tu t'es déjà demandé, peut-être, d'où viennent les noms de certains de tes restaurants les plus populaires? Mettre une fast-food burger, comme on l'appelle. Oui, quand même. Ouais. C'est sûr que McDonald's, on sait que ça vient des frères McDonald's qui ont été rachetés à un certain point. Est-ce que oui, absolument, absolument. Mais est-ce que tu savais qu'à la base, c'est Rick Rock qui a transformé ça en corporation, d'où le film en ce moment. Le fondateur. Le fondateur qui est en cinéma. Donc, avant que Rick Rock change cette place-là en corporation, McDonald's, c'était juste un barbecue drive-in. Donc, ça va, c'est l'auto en Californie. Le restaurant qui a été fondé, comme tu l'as dit, par les frères Richard et Maurice McDonald, qu'on connaissait sous le nom de Dick et de Mac. T'as pas de Mac Dick sur chez McDonald's? Ça serait bon. Juste un peu bizarre. Je sais pas. Hi, I'll take Mac Dick, please. Non. Puis évidemment, ça coûte 10$ pour une danse à 10. Ah, exactement. C'est la fille avec le casque qui te le fait à commander l'auto. Chic, chic. Ensuite, il y en a qu'on connaît moins là-dedans. Je vais en sauter quelques-uns, vous allez voir. Mais quand même, je vais parler de P.F. Chang's aux États-Unis. Donc, c'est un hybride des deux fondateurs du restaurant. P.F. qui vient du restaurateur Paul Fleming, ses initiales. Et Chang est une version simplifiée du chef Philippe Chiang. Donc, C-H-I-A-N-G, on a enlevé le... on voit souvent des publicités, peut-être si vous regardez la télé américaine, pour Church's Chicken, qui prend son nom du fondateur George W. Church. Ah, ben oui. Ouais, qui a ouvert le premier restaurant de poulet, Church's Chicken, en 1952, juste à côté de l'Alamo, à San Antonio. Ensuite, un qu'on connaît plus un petit peu parce qu'on est au Québec, Wendy's. Ben oui. Le fondateur Dave Thomas, qui a essayé le nom... Oui, le fondateur Dave Thomas, absolument, qui a essayé le nom de ses 5 enfants comme restaurant avant de vraiment choisir le nom de Wendy. Sa fille, Melinda, avait comme surnom Wendy. C'est un peu bizarre. Je sais pas ça fait tellement pas. Hey, Melinda, Wendy! Wendy, en tout cas. Donc, la petite roussette qui est devenue le visage du restaurant. Et maintenant, en tant qu'adulte, Wendy peut être vue dans des publicités pour faire la promotion du restaurant. Il y a une photo, une publicité YouTube sur... Ça ressemble zéro à la fille zéro sur la fiche. Sur assemblagechoquet.com. C'est parce qu'elle porte pas de Lulu. C'est ça. Hey, où Fifi Brin d'Acier? Hey, j'avoue que copyright un peu, ça ressemble pas mal à Fifi. Ben, avoue. Ensuite, Taco Bell, qu'on connaît aussi au Québec. Bell, ça vient de son fondateur, Glenn Bell. Hein? Et qui s'entendrait sûrement bien avec M. Church. Church et Bell, ça fait ensemble, une cloche pénéglée. Donc, le restaurateur qui, à l'origine, vendait des hamburgers dans un restaurant de fast-food qui s'appelait Bell's Burger. Juste au singulier, Burger. Après qu'il y ait eu trop de gens dans le marché du fast-food, il a décidé d'amener les tacos dans le monde du fast-food à la place de juste faire des burgers pour se différencier un peu. Son premier restaurant s'appelait Taco Tia. Et plus tard, il a ouvert un Taco Bell quand un de ses amis lui a suggéré ce nom. Ensuite, on connaît un petit peu moins, mais Denny's. Donc, je connais. Un restaurant souvent de fin de soirée. Ça a déjà été une boutique de beignes qui s'appelait Danny's Donuts à l'époque. Ah ouais, je savais pas ça. Le nom Danny a été choisi comme allitération, donc Denny, Danny. Éventuellement, le focus a changé vers le café et le nom s'est changé pour Danny's Coffee Shop. Mm-hmm. Le nom a été rechargé une autre fois pour Denny's Coffee Shop pour éviter la confusion avec un autre restaurant qui s'appelait Coffee Dan's. La compagnie a finalement raccourci son nom à Denny's en 1961 et puis il a gardé ce nom-là depuis. Ensuite, Papa John's. On voit beaucoup les publicités à la télé. De Papa c'est John's. De la pizza, ça, je oui, pense. Oui, c'est de la pizza. Des fois, ils disent « meilleurs ingrédients, meilleure pizza, Papa John's ». Bien les gens sont au courant de la face de M. Papa John's parce que c'est lui qui est dans les publicités, dans presque toutes les publicités. John Schnatter est le fondateur du restaurant. Il a ouvert le premier Papa John's en 1985. Le nom Papa est inspiré par son grand-père, M. Schnatter, qui s'appelait Papa. Papa. P-A-P-A-W Ackerson. C'est ça, c'est Papa. Papa. Ensuite, Carl's Jr., le fondateur Carl Karcher est le nom derrière Carl Jr. Lui et sa femme Margaret ont ouvert un restaurant barbecue en service à l'auto, un peu comme McDonald's, ça s'appelait Carl's, après avoir eu du succès dans les cartes de hot dog, donc les vendeurs de hot dog dans les rues. Ensuite, Karcher a ouvert 2 petits restaurants en 1956. Il les a appelés Carl's Jr. étant donné la grandeur de ses restaurants comparés aux autres. Et c'est celui-là qui a collé. Même les grands restaurants maintenant s'appellent Carl's Jr. Ensuite, Jimmy John's. Ça me dit quoi, ça? Moi, ça me dit pas grand-chose, honnêtement, Jimmy John's, mais c'est Jimmy John Liotto qui avait 19 ans quand il a ouvert le premier Jimmy John's en 1983, après avoir gradué de son cours de préparatoire à l'université, je crois. Mm-hmm. Son père lui a dit qu'il pouvait soit s'inscrire dans l'armée ou démarrer une entreprise. Donc, Liotto a pris un prêt de la part de son père et a ouvert un restaurant. C'est-tu pas merveilleux? Ensuite, on va sauter par-dessus Bob Evans pour aller à Tim Hortons. Oui! Le magasin de Bang qui était fondé par le joueur de hockey Tim Horton. Le défenseur jouait dans la LNH pendant 22 ans, qu'il a passé presque au complet avec les Toronto Maple Leafs. Il a ouvert sa première boutique de Bang et de café en 1964 pour faire de l'argent après sa carrière de hockey. Et on peut dire que c'est un méga succès. On s'entend. On saute par-dessus Carvel et Sbarro ainsi que Perkins, parce que je les connais absolument pas et j'ai jamais entendu ces noms-là, pour aller à Baskin Robbins. Les beaux-frères Burton Bird Baskin et Irvine Irv Robbins avaient tous les deux un amour pour la crème glacée, donc ils ont chacun ouvert une bouteille de crème glacée en Californie. Barkin's Burton's Ice Cream Shop et Robbins Snowbird Ice Cream. Ah boy, hein? Ouais, on finit par fusionner pour donner un nom pas mal plus simple à dire, Baskin Robbins en 1953. Bonne idée, moi je trouve que c'est une bonne émergence. Pas pire, pas pire. Donc voilà pour la liste des plus ou moins, je dirais qu'on a fait peut-être une dizaine là-dedans, en sortant quelques-uns. La liste au complet sur assemblagerequis.com pour ceux que ça intéresse. On prend une petite pause déjà. Ben Mathieu, parlant de Tim Horton. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais appris la semaine dernière. Il y a des nouvelles beignes. Des churros. Exactement. Est-ce que tu as eu l'occasion de goûter? Non. Est-ce qu'il y en a une cuillère des churros? Je sais pas. Faudrait aller voir tout à l'heure parce que je me suis fait dire par un petit doigt qu'elles étaient excellentes. Oh boy! Okay, oui. Apparemment que tu peux en manger 4 en dedans de 5 minutes et ne pas souffrir de diabète après ça. Ah, mais un peu comme les trucs au Nutella, là, tu sais, les petites bouchées à genre 1,29 là. Tu peux en manger 25. Mais c'est ça, faut pas s'attacher. Faut pas s'attacher trop fort à ces churros-là parce qu'ils vont être là pour un temps limité. Ah, c'est ça l'affaire! Fait que, c'est comme les humains. Profite. combien de temps est-ce que ça prend avant qu'un churro soit très proche de toi pour que tu ne veuilles pas le laisser partir? On sait pas. On sait pas encore. Pause au retour. La chronique de la GQTR avec Alex Marchand. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fous. 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage qui en ce jeudi 9 février 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. On accueille Alex Marchand, le président de la GEQTR, qui est avec nous. Bonjour. Salut. Ça va bien. Oui. Oui. C'est le moment justement de parler de toi et de tout ce qui t'entoure. Tu es la vedette. Ah ben oui, crème, des fois, ça arrive. Ben, tu penses à TV, à la radio, dans les journaux. C'est vrai, mais des fois, c'est spécial parce qu'il y a des gens qui me disent bonjour dans le corridor dont je ne connais pas le nom, puis ça me perturbe profondément. Les gens pensent que tu les connais, mais c'est juste eux qui te connaissent. Fait que là, je commence à comprendre que je suis rendu une figure publique, là, puis j'apprécie quand même. Là, ah, OK. Bon, ben, tant mieux. Justement, tiens, on va commencer avec ça. Donc, ouvrons la chronique à l'instant. C'est la chronique de l'AGE-UQTR. AGE-UQTR, peu importe. Ton âge, tu t'en vas à l'AGE-UQTR parce que l'AGE-UQTR, ça n'a pas d'âge. Yo! Prou! Alexandre Marchand, président de l'AGE-UQTR. Non, c'est juste Alex Mathieu. Alex Marchand, excuse-moi. Oui, c'est pas grave. C'est tout le monde doit faire ça. Oui, effectivement. Et je m'en excuse, mais pour vrai, c'est très très difficile de se différencier le Alexandre et le Alex parce qu'on a toujours appelé l'autre Alexandre Marchand de la Luitre des Oranges. On l'a toujours appelé Alex. Oui, c'est vrai. Donc maintenant qu'on a deux Alex, il faut qu'on appelle un Alex et l'autre Alexandre, mais toi, ton nom, c'est vraiment Alex, j'ai pas l'Alexandre. Oui, exactement. Mais que ça, écoute, c'est mes parents qui se sont dit que dans le fond, tout le monde allait m'appeler Alex s'ils m'appelaient Alexandre. Fait que ils se sont dit pourquoi pas économiser de l'encre. Hein? Au moins ton pas. Ouais, de l'Alexandre. Allez, au moins ton pas appelé Alex. Bon, donc. Mathieu, c'était la première fois que je l'entendais celle-là, puis je la trouve excellente. Hey, ben, merci. Bon, non, c'est le fun ça, à entendre. Donc, Alexandre qui est là pour nous parler de tout ce qui s'est passé dans la GE depuis la semaine passée. Et, ça en est passé des affaires. Et mettons que la grosse nouvelle qu'on doit aborder, parce que c'est. Ça, c'est très récent, ça s'est passé en milieu de semaine. On a entendu parler partout. C'est l'histoire avec le Café Frida. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de l'histoire? Oui, en fait, on a reçu en fait, on va commencer par le début. Ouais. La genèse. Oui, exactement. Il y a quelqu'un qui est venu voir notre vice-présidence aux communications, puis notre secrétaire général à l'AGE-UQTR, respectivement Jimmy Lacourse et Marie-Chantal de l'année, qui sont allés les voir pour leur demander s'ils pouvaient afficher certaines affiches sur le campus. Eux, de lui répondre, désolé, on a une politique. Alors, mettre en parenthèse que c'est une affiche d'un spectacle de musique avec le groupe de musique en couverture et le petit logo du Café Frida dans le coin. Exactement. Ils n'ont pas de publicité pour le Café Frida. Non, juste pour mettre ça au clair. Effectivement. Sauf que notre politique disant que n'importe quel événement se déroulant, même pour une association étudiante par exemple, qui se déroule chez un compétiteur de la chasse-galerie, de la halte-garderie Le Petit Bac ou du 10-12, ne peut pas être affiché sur le campus. Mais, et là, je dois faire l'avocat du diable en tant qu'animateur de radio, qui doit se respecter et faire sa job comme il faut. Il y a quand même beaucoup de publicité pour la Maison de la Culture ou d'autres trucs comme ça qui sont affichés. Ne sont-ce pas des endroits qui ne sont pas la chasse-galerie? En fait, c'est que c'est pas directement compétiteur, je dirais, parce que oui, ils vont faire le service d'alcool, mais la principale volonté de cette business-là, si on peut le dire, c'est de faire de la culture. Du côté du Café Frida, oui, il y a l'intérêt noble de faire de la culture certains soirs par semaine, sauf que principalement, c'est un café bistrot-bar, tout comme la chasse-galerie. Donc, c'est sûr que le segment de marché, comme on pourrait l'appeler, est exactement le même que la chasse-galerie. C'est là qu'il y a un petit malaise. Tout comme, par exemple, n'importe quel autre bar du centre-ville qui est uniquement un bar, va avoir vraiment un segment de marché qui va être très semblable à celui de la chasse-galerie. Puis c'est sûr que dans un contexte de concurrence, on doit, en fait, j'imagine que c'est ça qu'il y avait derrière la politique, mais Parce que la politique en tant que telle existe depuis longtemps, c'est juste qu'on l'a peut-être pas nécessairement enforcée au même niveau dépendant de l'administration, qui évidemment change à chaque quelques mois, c'est inévitable étant des jobs étudiants. Exactement. Donc, peut-être que le CA, justement, dans une volonté de renforcer un peu la politique, a décidé qu'on ne veut plus afficher sur le campus. Ouais. Mais toutefois, on peut afficher des événements strictement culturels sur le campus. Donc, c'est ça qu'on fait aussi beaucoup pour la Maison de la Culture. Au moins, ça, c'est clair. Mais pourquoi ça le fait tant jaser, là? Parce qu'il y a beaucoup d'amis, j'imagine, le propriétaire. Ah, c'est ça, exactement. Parce qu'on expliquait la situation, mais ça l'a sorti à un certain point de façon publique. Il l'a écrit sur Facebook en le copiant-collant, en disant « Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? » Et les amis, évidemment, qui sont des tous du bord, c'est ça, oui. Et qui sont tous du bord de Gabriel parce que c'est leurs amis, évidemment. Oui, effectivement. On finit par pas mal tous être du côté de Gabriel. Oui, mais bon. C'est ça, ce que je trouve un peu spécial, si je pourrais dire, c'est qu'on a reçu le message lundi à 16h. Pas mal dans la fin de la journée. Mm-hmm. Fait qu'on s'est dit, bon, ok, c'est assez. Tu sais, le message, je ne pensais pas de commentaire sur le message, là, mais c'était dit d'une façon qui aurait pu être un peu plus. Ben, s'il y avait. Disons que ça a été écrit clairement sur le moment, je pense qu'il l'admettrait lui-même. Avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, sans paragraphe, ponctuation et de très très longues phrases, mais quand même, sur le moment. Exact, c'est ça. Fait que tu sais, on s'est dit, ok, on va prendre le temps de pas pogner les nerfs, puis d'agir avec prudence et diligence. Puis on s'est dit, on va lui répondre le lendemain. Ouais. Sauf que le lendemain, moi, j'avais une journée, écoutez, ça arrive pas souvent, mais j'avais une journée qui avait à peu près aucun rendez-vous dans ma grille horaire, sauf un cours, tu sais. Fait que je me dis, oh, ça va être une journée productive. Fait que là, finalement, il y a Frédéric Borel, notre conseiller exécutif, qui arrive dans mon bureau, il fait comme, ouais, Alex, tu sais, la lettre qu'on a reçue hier, là, je fais, ouais. Elle est un peu partout maintenant. C'est ça, il dit, ben, il y a Radio-Canada qui s'en vient avec une caméra qui va être là dans une heure, ça tente-tu? Là, je suis comme, oh non, t'es pas sérieux. Là, je fais comme, oui. Fait que là, une chance que connaissant Alex, il était déjà super préparé et vraiment beau bonhomme. Ah, oh, exactement. Fait que là, ben, ma journée a comme décidé de faire autre chose. Puis j'ai fait des recherches dans la politique puis toute l'équipe pour monter un argumentaire solide parce que je savais que j'avais des médias à faire pendant deux jours. Ouais. Mais c'était fun quand même comme expérience de gestion de crise et damage control, là, mais c'est ça. Ben, surprenant que ça ait pris autant de temps avant d'arriver, une controverse comme celle-là. Je donc, il faut quand même mentionner, le Café Frida et la GEUQTR ne sont pas en mauvais terme. Non, ils ont même une bonne entente côté... On leur achète du pain. Ouais. C'est ça. Pas le choix de garder la bonne... C'est ça. Exactement. Bonne relation. OK, bref, on va probablement avoir une bonne discussion avec quand même le propriétaire. Ce serait le fun de faire ça en privé et non pas d'étaler son linge sale dans les médias parce que premièrement, je veux dire, on s'entend et sans vouloir être plate, la politique d'affichage de GEUQTR, le grand public, pas sûr que ça les intéresse tant que ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très spécifique aux gens qui sont soit très deep dans le domaine, profondément dans le domaine de l'indie culturel à Trois-Rivières. C'est vraiment quelque chose plus d'interne. C'est vrai. Donc, d'étaler ça partout, je suis pas sûr. Effectivement. Mais si je suis d'accord sur le fait que oui, la culture, c'est important. Ben oui. Puis qu'on se doit de la répandre sur le campus. D'ailleurs, il y a souvent des shows à la chaise galerie, il y a l'impro. On a des shows d'humour au 10-12 parfois. On a de la lecture de poésie. Tu sais, je suis pas d'accord sur le fait que l'UQTR n'est pas un milieu culturel. Puis qu'on fait pas la promotion de la culture. Là, ça, pas du tout. Ouais. Et même si dans les commentaires sur Facebook, j'ai pas le choix aussi d'en parler, ça mentionnait un petit peu c'est fou, ils ont le campus par rapport par la bande en disant que c'est bon, c'est fou, ils ont le campus, nous aide, mais tu sais, en tant que tel, blablabla, tu sais, je vais passer les commentaires sur le reste. On encourage quand même toujours la relève et on continue d'encourager le Café Frida, même que le propriétaire Gabriel va être au Mathieu Plante Show le 15 février pour parler d'un projet de jeu vidéo. Donc, ça vous tente d'écouter ça, c'est à 15h le mercredi. Et nous, on continue d'afficher des affiches de tous les bands qui passent dans la région sur notre babillard dans le studio et sur notre babillard à l'extérieur du studio. Donc, nous, on continue. La GE et c'est fou. Nous autres campus, c'est complètement deux choses exactement à part entière. Puis on continue à manger leur pain à la chasse galerie. Oh, okay, que oui. Les petits croutons, hein, ça. De toute façon, je pense que les médias se doivent d'être neutres par rapport à un peu la game politique aussi. Ouais, de regarder ça d'un visuel informatif puis d'informer le public. Je pense que c'est ça le rôle des médias, en fait. Puis ça se doit de continuer d'être comme ça. Et si je peux faire un commentaire éditorial, comme je suis parti là-dedans, même vas-y. Si certains membres, au singulier, de la GEUQTR pensent qu'on est une radio qui se la joue hipster, c'est dans notre mandat. Fait qu'à un moment donné, hein? On fait pas semblant qu'on est obligé de jouer la musique que les autres ne jouent pas. On doit jouer la musique qu'ils ne jouent pas. Fait que fais ta recherche avant de chialer. C'est dit. Ça, c'est la partie pendant, Mathieu. C'est la partie pendant que j'avais dit que j'allais c'est dire. C'est excellent. Mais j'ai pas le choix de le dire parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire n'importe quoi aux gens, mais après ça, les gens pensent que c'est vrai et propagent c'est ça. Ici, on l'a dit, notre mandat, selon le CRTC, le Conseil de la radio-télédiffusion du Canada, et de diffuser les choses qui ne jouent pas ailleurs, dont Radio-Canada. Faut être à part de tout ce qui est Radio Commerciale et Radio-Canada. Voilà qui est dit. Personne de la GEUQTR qui ne sait pas de quoi elle parle. Donc, maintenant qu'on est. T'as senti visé, Alex, ouais. Non? C'est pas tout, en fait, parce que c'est pas moi qui ai eu cette discussion-là avec Mathieu. Sinon, mais je l'aurais nommé. Vu que la GEUQTR est taguée, je vais me sentir un peu touché. Ben, pas le choix, c'est pas ça. Il drive aux autres. Mais c'est pas grave. Ben non, on met les choses au clair. Mais oui, exact. Ah, bon. Donc, on est au vrai point de la GE maintenant. Commençons par les avant avec le camp des administrateurs qui a déjà eu lieu. Oui, c'est passé samedi dernier. On a eu un taux de participation record. corps. Oh. Ah oui. Ça a vraiment bien été. Jimmy, la course a fait une belle job dans la mobilisation des administrateurs. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que le dernier, il y avait eu un taux de participation assez faible. Jimmy s'est fâché en CA. Puis, bref, les administrateurs ont compris que c'était important d'être là. Donc, on leur a appris des notions, entre autres, sur les devoirs et responsabilités des administrateurs. Des notions financières un peu. Qu'est-ce qu'un bilan? Qu'est-ce qu'un état des résultats? Pourquoi on fait un budget? Toutes ces notions-là. Il y a aussi une formation sur la planification stratégique de l'AGEQTR. Les procédures de l'Assemblée délibérante. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de formations super intéressantes. Oui, c'était du lourd, mais c'était quelque chose. C'était tous des trucs qui sont importants pour un administrateur de bien connaître puis de savoir pour bien effectuer son travail. Donc, je pense vraiment que ça a été super pertinent. Ça a été bien apprécié dans l'ensemble. Il y a vraiment. En plus, on a eu des sandwichs de la chaise galerie qui étaient merveilleusement bons. Ils sont toujours bons, oui, c'est à répéter. Ah, je suis plus capable d'arrêter de manger du mac and cheese. Chaque jour classique. Depuis le début. Oh, wow. Depuis le début de la session. On n'a pas sauté. Le BLT vegan, là. Ah, oh, il est excellent. Très aussi. Bon, ouais. La mayonnaise, là. Tellement salé, genre ça. Le faux bacon. Il n'y a pas grand-chose à dire de mal sur ce qu'elle fait. Ah, hier, passant, si elle se représente dans les prochains jours, la soupe oignon et brandy est ma nouvelle numéro 1. Ah oui, oui. Avant ça, moi, c'était la bœuf et légumes. Moi, c'était champignon et brandy. J'ai pas goûté champignon encore. Non, champignon, t'es 40. J'adore les champignons. Mais celle oignon et brandy, c'est vraiment all about food. Oignon et brandy avec des morceaux de fromage à la bière à l'intérieur, c'est incroyable. Ah, c'est Mathieu, il avait quasiment l'air d'avoir des petites émotions. Mathieu, un frisson, Mathieu. Vous pouvez pas me lever de la table pendant quelques minutes. Exactement. Voilà. Il y a aussi la cérémonie de remise des bourses qui a eu lieu un petit peu plus tôt. Oui, il a eu lieu lundi dernier. En fait, c'était la cérémonie de rebourse des mises de la fondation. Ça, les jeux sont faits. Exactement. Rien ne va plus. C'est ça, la cérémonie de remise des bourses. Je vais l'articuler comme il faut. Qui se déroulait au CAPS, où la fondation remit au-dessus de 700 000 $ de bourses aux étudiants de l'UQTR. Principalement par des donateurs extérieurs qui l'ont fait, mais aussi par des donateurs internes. Puis un peu, entre autres, la GEQTR verse annuellement 10 $ je crois, je pense que c'est 5 $ par étudiant à la fondation. Ah, wow. Ça sert aussi à donner des bourses, puis ça sert aussi à plein d'autres beaux projets. Ça a été vraiment super apprécié de ce côté-là. Un bel événement. Puis je pense que les étudiants ont été contents aussi de recevoir un petit chèque pour faciliter leur vie étudiante. Là, probablement. Sûrement. En tant qu'ancienne étudiante. Là. J'en prendrais un ou deux. Peux-tu en prendre un là? Ensuite, toujours dans les avant la chronique d'aujourd'hui, on avait le 5 à 7 sur l'emploi. Oui, 5 à 7 sur l'emploi qui se déroulait hier à la Chaise Galerie. On a reçu M. Olivier Marlot, vice-recteur aux ressources humaines de l'UQTR, ainsi que du monde un peu partout, je dirais, en meeting pré-5 à 7, en fait, avec lui et Yvon Laplante, qui est le directeur des communications de l'UQTR. On est venu à la conclusion que ça pourrait être intéressant d'avoir des gens du CAPS, des gens de la COPSCO, des gens de Technosciences Mauricie qui font le camp des petits débrouillards l'été. Sinon, il y avait des gens aussi des ressources humaines de l'UQTR, donc Éric Hanouin, le directeur des ressources humaines. Sinon, il y avait du monde d'un peu partout sur le campus. Puis moi, j'étais là, évidemment, pour représenter les services de l'AGEQTR, entre autres la chaise galerie et la halte garderie, pour parler des postes un peu, dire aux gens comment et où appliquer, et surtout quand, parce que c'est surtout la période c'est surtout de ça, hein? Puis aussi un peu des postes sur le conseil exécutif. Donc, ça a été vraiment un très bel événement, super apprécié des étudiants. C'est sûr qu'on aurait pu avoir plus de monde, mais quand même, on a eu, je dirais, au moins 80 personnes qui se sont déplacées. Donc, dans la chaise galerie, ça devait être pas mal plein. Oui, effectivement. C'est la chaise galerie. Oui, exactement. Sauf un petit point faible de l'activité, on avait calé la pizza pour 18h. La prochaine fois, on va la caler pour 17h30. Si on la veut à 18h. La prochaine fois, on va la caler d'un autre restaurant. Ouais, ça, on avait commandé 20 pizzas X-Large. Finalement, on en a passé 12, tu sais, parce qu'il y avait du monde qui était parti parce que ça a été trop long qu'on la reçoit. Fait qu'on va essayer de calibrer ça. Ouais. Dans le frigidaire, là, j'ai eu qu'une. Est-ce que vous acceptez les dons, les denrées non périssables? Puis, je tiens à féliciter aussi l'Astre avec qui on l'a fait en collaboration, qui est l'Association syndicale des travailleurs étudiants de l'UQTR. Vraiment, ça a super bien été pour travailler, entre autres. Je tiens à féliciter Guy Haïssi, le président de l'Astre, avec qui ça a été merveilleux. Puis Naima aussi, de notre côté, ça, c'est notre vice-présidente aux affaires académiques de premier cycle. Ouais. Je dirais qu'à trois, ça a été une équipe vraiment agréable, un très beau projet à monter, puis ça a super bien été. Mmh. Es-tu en train de nous dire qu'il n'y a comme pas eu de démission depuis la dernière chronique? C'est comme voyons donc, qu'est-ce qui se passe? En plus, on est presque fini de recruter un BP Finance. J'ai fait une publication sur les groupes d'ASCA parce que sais, c'est pas, là que ça se passe. Le poste de VP finance, ça se passe à SK, parce que ça prend des bonnes notions financières puis d'entreprise. Donc finalement, ben, on a peut-être trouvé un vice-président aux finances. Donc on va avoir un exécutif complet prochain CA si ça va bien. Yeah, combien de temps va-t-il durer? C'est ce qu'on saura à la prochaine! C'est ça. Probablement jusqu'à la fin du mandat, parce que être tanné de l'OGE, ça prend à peu près 6 mois. Ah, ok. Ok, fait, ils n'auront pas le temps d'ici la fin du mandat. C'est pas d'avoir des chiffres là-dessus. Ouais. Ouais, c'est ça, au moins, on le sait. Là, c'est un petit tableau, là, de jour depuis la dernière émission, puis c'est un zéro. Oui, tellement. Ouais. Ben, en fait, on peut le compter parce que la dernière émission était le 31 décembre. Fait qu'on peut vraiment le compter en termes de. Je pense qu'on est rendu à 40 jours sans l'émission. Il a fait genre bonne année! Oui, je Bye! Juste pour nos auditeurs, c'est pas parce que c'est n'importe quoi le jeu écouteur, c'est parce que souvent, c'est pour des bonnes raisons que les gens démissionnent. Ça demande beaucoup de temps. Entre autres, les études, exactement, ça demande beaucoup de temps. C'est de la pression aussi, d'une certaine manière. C'est des postes de jeunes cadres, pratiquement. Ouais. Puis bref, c'est ça. Mais venez nous voir quand même, on est super gentils. On en rit, mais c'est parce que sinon on en pleurerait. C'est ça, exact. Puis il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Voilà. Il va y avoir une rencontre pour la CRE avec CTS. Oui, le CTS, Comité de travail spécifique de l'Union étudiante du Québec, qui va venir se réunir ce samedi à Trois-Rivières, à peu près aux alentours de 9h. C'est la CRE que je vais taire l'acronyme parce que j'ai à chaque fois. Ouais. Déjà en partant, tu sais, si tu regardes comment CRE est écrit, c'est pas juste C-R-A-I, mettons. Là, c'est C-R-A-I-E-S. Donc, ça devrait être quand même long comme titre. Oui, effectivement. C'est toujours dur à trouver sur Google. Il n'y a comme pas de façon facile de le trouver, l'acronyme. Mais c'est parce que automatiquement, si tu tapes CRE, tu tombes sur des CRE à tableau. C'est Revendication et Action Interuniversitaire pour les étudiants et étudiantes en éducation en stage. Quelque chose comme ça, mais il manque le premier mot. Là. Exactement. Le conseil, j'imagine. Donc, tout est dit. On va voir. Campagne de revendication et d'action interuniversitaire pour les étudiants et étudiantes d'éducation en stage. Ils ont vraiment trouvé l'acronyme en premier, comme tout le monde. Et ensuite, travailler pour trouver des... C'est sûr. Ouais. Ils sont dit, bon, avec quoi les profs travaillent? Ah, des crêpes. Ouais. Conseil? Non, on va faire conférence. Campagne, ça fait. Mm-hmm. En tout cas. Tout ça pour dire que ça va se réunir, ce beau monde-là, à Trois-Rivières. Il va y avoir des gens des principales associations étudiantes nationales qui font de la représentation étudiante au niveau national. On parle ici de la FECUM, de la CADUL, la FIRST. Des hommes, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Oui, puis le GQTR, évidemment, qui va être autour de la table. Peut-être aussi la GECAR, qui est celle de l'Association des étudiants de Rimouski. On verra au rendu là, mais bref, ça devrait être une belle rencontre. Cool. Et pour terminer, le CA qui s'en vient dimanche, j'imagine, c'est toujours le dimanche. Oui. Oui. Toute la soirée et la nuit. Oui, c'est ça. La GE After Hour. Exactement. Donc, si on est chanceux, on va réussir à trouver un VP Finance d'ici là. D'ailleurs, les mises en candidature se terminent ce soir à 17h, donc vous avez jusqu'à ce moment-là pour postuler. L'important de savoir qu'il faut remplir une mise en candidature où vous devez signer 60 noms d'étudiants à l'intérieur. Ben, j'ai dit, vous devez signer. Vous devez faire signer les étudiants. Ah, c'est ça. Utilisez pas de pression, c'est illégal. Fais-le signer toi-même 30 fois. C'est ça. Donc, c'est ça. Fait que vous pouvez vous présenter si vous avez des connaissances en finance. Je vous invite à le faire. On va vous accueillir dans l'équipe à bras ouverts. On est neuf, fait que ça va faire vraiment un très gros câlin. Oui, ben, c'est vrai. Oh, c'est cute, ça. Oui. Chacun dans son local, puis après ça, une fois de temps en temps, est-ce qu'il y a un local, tout le monde se rassemble, les locaux de réunion, pour faire des gros câlins? Ouais, ben c'est plus, je dirais, des câlins vocaux, parce qu'on a des réunions de conseil exécutif, puis évidemment, on argumente sur plusieurs, vu que c'est du parlementarisme, on argumente sur plusieurs points lors du jour, donc des fois, c'est assez vocal, mais après ça, on se fait des gros câlins, puis c'est correct. Uh-huh. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, au niveau du CA, il va y avoir plusieurs points à l'ordre du jour sur lesquels je vais revenir jeudi prochain, une fois que je vais avoir un peu le backup. Mais si vous voulez venir nous voir, c'est dimanche à 17h au 2085 Ringuet. Tous les étudiants sont bienvenus. C'est public, ces CA-là, sauf les points à huis clos qui doivent être tels justement parce que c'est des notions financières souvent. Pis... C'est normal. Oui, exactement. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup, Alex Marchand. Et merci de votre accueil, comme à l'habitude. C'est bien agréable. Ça fait plaisir. Bon travail. Un petit peu de controverse au début, mais le reste du temps, on s'est quand même bien entendu. Ben oui, c'est correct. Ça prend la confrontation des fois. Merci. Ça vient renforcer les liens. Voilà. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, toujours les jeudis, à 8h pour nos collègues de la GAQTR. Évidemment. Merci, Alex Marchand. Merci à vous. Et sans lien aucun. Aucun lien, ça n'a même pas rapport. Zéro. Mais le 17 février, il y a un spectacle de chocolat au Café Frida. Avec. Oui. Avec une d'ailleurs, je vous invite à y aller si vous aimez chocolat, sérieusement, c'est vraiment. Allez-y. Avec, il danse avec les genoux et Perseide, le groupe de Louis-Philippe Quentin, anciennement du journal sur le campus. Donc tout le monde va être là, c'est chocolat et tout ce beau groupe de gens. Le 17 février au Café Frida. Écoutons donc l'extrait de chocolat qui, sur le palmarès francophone, s'appelle Loulou. Et après ça, ce sera Tania. Is gonna entertain you. Écoutez, écoute ça, c'est chocolat. Oui. Ça sonne. C'est ça, ça sonne Saint-Valentin. Petit fruit trempé. Ah. Hey, faut vraiment que j'aille acheter du chocolat, là. Son t-shirt, bonne vieille poutine, ses doigts jaunis se mangent de nacho sanglante. Ça ressemble à un glissante. Crois qu'on sera cousin, cousin pour le Chocolat avec Loulou. On rappelle le spectacle de Chocolat qui est le 17 février avec Il danse avec les genoux percés. Donc Café Frida à 19h. C'est sur la rue des Forges au centre-ville de Trois-Rivières. On prend une pause. Au retour, Tania is gonna entertain ya sur C'est fou. Aujourd'hui. C'est fou! Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis en ce jeudi 9 février 2017. Elle est Tania Boller. Et Mathieu Plante. Dans une vingtaine plus trentaine de minutes, ça va être une grosse pointe en dresse. Ça y est. Woohoo! Mais avant ça, on l'a remis assez longtemps. Tania. Oui. Prends ta place un peu. OK, c'est beau. Tassez-vous de continue là. De danser pendant que moi je fais. Ouais, en fait, je me réchauffe un peu. C'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna do it! Et aujourd'hui, on est jeudi, donc c'est le moment de faire le petit survol, les nouvelles qui vous ont peut-être passé sous le nez pendant la semaine. Exactement! En fait, vous le savez, hein, pour pouvoir faire de la radio, pour tout simplement être un bon citoyen, parfois il faut savoir lire plusieurs journaux, plusieurs sources de nouvelles qui sont différentes. Faut faire sa recherche au lieu de dire du gros n'importe quoi, comme certains aiment beaucoup faire. Exactement! Je sentais pas personne de visiter. Ben non! Oui, c'est ça, il faut savoir avoir la petite la flamme de l'information. Exactement, la flamme de l'information et surtout savoir regarder dans divers médias, que ce soit par exemple télévision, journaux ou encore, on en a encore de plus en plus sur Internet ces temps-ci. Donc, c'est un petit peu ce que je fais à chaque semaine, il faut le dire. J'essaie de me renseigner du mieux que je peux sur ce qui se passe, que ce soit ici au Québec, que ce soit ici de façon régionale en Mauricie, que ce soit un petit peu partout dans le monde, à l'étranger. C'est un petit peu ce qu'il faut faire et j'ai comme décidé de vous faire un petit mash-up de tout ce qui s'est passé cette semaine qui a retenu mon attention. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui a fait jaser aux États-Unis et c'est le site lesaffaires.com, un site que j'aime beaucoup d'ailleurs en passant. Si vous êtes du style à vous intéresser sur ce qui se passe du côté monétaire, business et tout ça, c'est un très bon site Internet pour ça. Donc, c'est lesaffaires.com qui nous dévoile que les nouveaux abonnés au New York Times vont avoir accès à... Attention, roulement de tambour! Spotify! Ben oui, c'est drôle quand même. Je trouve que c'est une association qui est quand même un peu loufoque parce que ça rejoint pas du tout le même créneau de gens à la base. On dit ça, mais à la base, on dit la même chose. C'est un peu bizarre, la presse puis un iPad. C'est vrai, t'as bien raison. Donc, les nouveaux abonnés au New York Times qui vont s'engager pour un an vont bénéficier d'un accès au service qui est premium de la plateforme de musique en ligne Spotify. Pour ceux qui savent pas qu'est-ce que Spotify, c'est une application mobile pour écouter de la musique. Vous avez plusieurs playlists là-dessus. Faut pas oublier qu'il y a aussi des podcasts sur Spotify. Exactement. Donc là, ça a plus de liens avec les nouvelles. Tout à fait. Si t'es inscrit à Spotify, tu peux écouter des émissions qui sont peut-être même créées par le New York Times en tant que tel. OK, oui. Ça aide. C'est un partenariat qui a été annoncé un petit peu plus tôt cette semaine. Donc, entre le New York Times et Spotify. Mais attention, l'offre ne concerne pas les personnes qui sont déjà abonnées au New York Times. Pour ceux qui sont c'est ça. C'est vraiment juste pour les nouveaux. C'est plate. Et c'est pas pour ceux qui sont déjà abonnés non plus à Spotify. Donc, on parle d'une offre qui est bien évidemment réservée aux résidents américains. Mm-hmm. Et on précise aussi que les deux groupes y sont pour 5$ par semaine. Les nouveaux abonnés vont avoir accès à la formule All Access. C'est pas cher, le 5$ par semaine. Exactement. Pour tout ce qui est nouvelles du New York Times et tout ce qui est Spotify. En tant que tel, juste Spotify, ça coûte au-dessus de 5$. Bien, écoutez, je m'en viens justement avec les prix. La formule All Access, en fait, du New York Times, normalement, c'est proposé à 6,25 par semaine, tandis qu'un abonnement à Spotify coûte approximativement 9,99 par mois. Ouais. Donc, si on fait le calcul de tout ça, c'est un bon avantage, c'est un très bon partenariat de se dire qu'on va avoir All Access du New York Times qui, justement, comprend du contenu texte, du contenu photo, vidéo, les podcasts du groupe et aussi le catalogue de titres musicaux qui est déjà sur Spotify, qui peut être téléchargé et écouté en dehors de votre connexion. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas nécessairement sur le Wi-Fi, vous allez pouvoir écouter votre playlist Spotify si vous vous abonnez. C'est nécessaire. On est rendu là de vouloir télécharger notre musique parce qu'au Canada, vous savez, la bande passante coûte cher. En effet. Comme je le disais, par contre, c'est une offre qui est offerte simplement aux États-Unis. Ou pour ceux qui ont une carte de crédit américaine. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je sais pas s'il faut une adresse spécifique ou votre journal. Non, mais c'est pour la version électronique de toute façon du New York Times, non? Tu reçois pas la copie papier, non? Non, c'est ça, exactement. Donc, dans le fond, t'as pas besoin d'adresse physique, tu peux t'en inventer. Mais c'est vrai, je dirais pas quoi raison. Faire aux gens, là. Non, non, faites pas ça. J'ai déjà fait pour iTunes, mais je le dirais pas comment. Hein? Surtout pas en nombre. C'est ça. Pas. Donc, en fait, c'est parce que le New York Times cherche à pouvoir accroître sa sa croissance, tout simplement, son créneau de gens qui lisent le New York Times. Donc, c'est un plan stratégique qui est quand même ambitieux. On y va sur un horizon de 2020 et on prévoit le recrutement massif de nouveaux abonnés en ligne. Ben oui. Justement, pour pouvoir mettre ça un petit peu plus de l'avant, on voit un petit peu moins les journaux papier. C'est arrivé à quelques reprises ici au Canada. On a tout simplement décidé de se rendre un petit peu plus sur le côté Internet que sur le côté papier de la chose. C'est sûr que c'est, pour certains, c'est beaucoup plus facile d'y aller sur Internet à partir de son téléphone ou de sa tablette. Et on a franchi depuis 2017 le seuil de 3 millions d'abonnés. Ça, c'est près de 2 millions au seul en service en ligne. Et sur cette année-là, en 2016, le nombre d'abonnés en ligne a bondi de 45,9% pour New York Times. Donc, c'est excellent de ce côté-là. On voit peut-être que, justement, si on met une offre comme celle de Spotify, ça va pouvoir faire avancer les choses encore plus. Et Spotify, comme l'annonce dans Spotify. Pour vrai? Ils disent Spotify? Ouais, parce qu'il y a des annonces en français de France. Est-ce qu'ils disent que tu peux te connecter sur le Wi-Fi? Oui. Wesh. Donc, Spotify cherche en fait à faire croître à une vitesse qui est accélérée son portefeuille d'abonnés. Je pense que c'est le plus populaire, là, on peut le dire, en termes de musique en ligne. Ouais. Donc, pour asseoir durablement, justement, sa place comme étant le premier acteur de la musique en ligne par abonnement, c'est le titre qu'on souhaite conserver et le titre qu'on souhaite, bien évidemment, défendre, ouais. Voilà. Donc, la société suédoise comptait à la fin de 2016 43 millions d'abonnés. C'est suédois? C'est suédois. C'est excellent. Et on est loin devant Apple Music parce qu'Apple Music est à 20,9 millions d'abonnés. Et c'est plus récent, faut dire, quand même. Oui, tout à fait. Les gens avaient déjà pris l'habitude d'être sur Spotify. Beaucoup plus récent. C'est sûr que ça doit faire ses preuves aussi à un certain point. Mais je trouve que c'est une très bonne idée pour les gens qui vont vouloir s'abonner au New York Times. Ouais. C'est très peu coûteux et ça va avoir de bonnes répercussions, je crois. Je pense que oui. Et c'est fun parce que c'est un vrai journal avec une vraie rigueur journalistique comparé, disons, ça avait été le New York Post ou d'autres journaux de bas de gamme. Bref. T'as raison. Ouais. On va y aller du côté automobile. Vous le savez, j'aime bien les véhicules électriques, j'aime bien les véhicules autonomes aussi. On en parle quand même assez souvent dans l'émission. Donc, le constructeur automobile japonais Honda, c'est un constructeur japonais quand même assez connu un petit peu partout mondialement. En fait, ils ont annoncé mardi la création d'une prochaine co-entreprise avec une filiale du conglomérat industriel Hitachi. C'est pour collaborer dans le domaine des véhicules électriques et hybrides. Donc, Honda a déjà quelques modèles de ce côté-là, du côté hybride, du côté électrique. Mais Honda et Hitachi Automotive Systems ont signé un accord justement dans le but d'établir une société qui va être conjointe pour le développement, pour la fabrication et pour la commercialisation des moteurs électriques. On veut jouer, en fait, et on devrait voir le jour en juillet cette année, donc en 2017, au Japon. Et ça va être deux branches aussi, dont une aux États-Unis et une en Chine. Ça devrait être déjà commencé de façon... T'sais, on rentre d'aplomb là, dans le domaine. Et Hitachi, c'est un fournisseur de moteurs électriques. Donc, face à des mesures et des régularisations, environnementales de plus en plus nombreuses dans le monde, le marché des véhicules électriques va continuer de croître. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. On y voit aussi de très bons avantages à se procurer un véhicule électrique. On en a déjà discuté dans l'émission. C'est moins long à chauffer, les véhicules. Ah oui, hein? On se souvient. Donc, Honda a souligné en fait son partenaire dans un communiqué, comme je le disais un petit peu plus tôt cette semaine, ça s'est passé mardi. Et à travers cette alliance-là, à travers ce partenariat-là, entre un constructeur automobile et un fabricant de moteurs, on espère dégager des synergies qui vont être technologiques et des économies d'échelle qui vont renforcer la compétitivité. On veut tout simplement se mettre ensemble pour arriver à être plus fort que certains autres constructeurs automobiles. Hitachi Automotive Systems va donc détenir 51% de la nouvelle entité. Honda est à 49% présentement. Et on a vendu nos premiers moteurs électriques en 1999 pour la compagnie. De, depuis ce temps-là, on a livré un volume important de, des produits à des groupes japonais et aussi à des groupes étrangers. Et de son côté, bien évidemment, Honda a pour l'instant privilégié à l'électrique, oui, classique, les véhicules hybrides, c'est-à-dire essence et batterie électrique. Et aussi, on parle de piles à combustible, donc c'est alimenté d'hydrogène et ça n'émet aucune vapeur d'eau en fonctionnement. Il est associé dans le dernier domaine à l'américain General Motors, pour lequel il va créer une unité de production commune exactement aux États-Unis. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir les voir se faufiler à travers le marché américain. Et les alliances vont se multiplier dans le secteur automobile parce que c'est un contexte de durcissement des normes environnementales et d'investissement. On n'a pas nécessairement le choix à un certain point de vouloir justement s'allier à d'autres constructeurs ou à des gens qui ont une espèce de connaissance une beaucoup expertise plus dans ouais, le domaine, c'est ça, ouais. expertise beaucoup plus développée, que ce soit des moteurs ou que ce soit une carrosserie. C'est sûr et certain que si à la base on n'est pas expérimenté en termes de moteur électrique, en termes de moteur hybride, du côté du constructeur, on va essayer d'aller chercher cette expertise-là. Donc on devrait voir justement plusieurs alliances dans le monde du secteur automobile parce que ça va continuer à croître, comme je le disais, dans le domaine de l'électrique. Et sur cet aspect-là, Honda avait dit en décembre qu'il était en train de discuter avec Yaymo, c'est une entité de Google, d'une corporation technique sur justement le développement des voitures sans chauffeur qui est considérée comme l'avenir de l'automobile. De notre côté, au Canada, on a déjà commencé les tests, on se souvient. Ça l'a fait beaucoup jaser. On semble être un peu réticent à un certain moment. Mais du côté de Honda, ça va se faire avec Yaymo, qui est une entité de Google. J'ai hâte de voir ça. Ben oui. Ça va être très intéressant. J'ai ça hâte rappelle aussi, les Nanaimo, moi. Oui, je sais, hein, je l'ai lu hier, c'est là, une barre Nanaimo. Du côté international, je suis tombée sur un article qui parlait de l'Inde et surtout la fièvre des startups qui, nous ici, on connaît quand même ça beaucoup au Canada, ça se fait de plus en plus. Il y a une forte croissance du côté des startups. Des nouvelles petites entreprises. Exactement. Bon. On commence à gagner la jeune génération en Inde. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Mais c'est un entrepôt en sous-sol d'un immeuble de Bangalore qui a des centaines de jeunes Indiens qui sont là, sur leur ordinateur, dans des rangées de bureaux qui sont démarquées par des cloisons qui sont colorées et qui rêvent tous, à un certain point, de devenir une espèce de Steve Jobs ou Mark Zuckerberg de demain. Et un quart de siècle après la libéralisation de l'économie et le décollage de la croissance d'un géant démographique, oui, d'Asie du Sud. Il y a une nouvelle génération, justement, qui profite de cette indépendance-là économique et qui a été acquise par les parents et qui ose l'aventure, justement, des start-up technologiques, il faut le dire. Ce ne sera pas nécessairement n'importe quelle start-up. Mais le mot « entrepreneur » était tellement peu répandu il y a 3 ans en Inde qu'il y avait très peu de gens qui connaissaient ce que c'était, surtout des gens de la nouvelle génération, des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui sortaient de l'école. On se demandait qu'est-ce que c'était. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont été employées par le groupement d'entreprises informatiques indiennes NASCOM, qui gère justement une espèce d'incubateur où on va développer des startups pour la jeune génération. Donc, ce sont des guides robots, des machines à cocktail, des cuisines connectées. On parle évidemment d'applications mobiles, des interrupteurs qui sont dits intelligents. Donc, dans cette usine-là, on pourrait quasiment qualifier cette usine-là de usine à remue-ménage parce qu'il y a tellement de choses qui se passent de ce côté-là. Les sols en lino sont baignés de lumière artificielle. On n'est pas à court d'idées quand on rentre là-bas. Et l'Inde a 4750 jeunes qui poussent justement dans le domaine technologique, un nombre qui progresse bien évidemment à chaque année et qui est devenu depuis peu le 3e écosystème au monde pour les startups. On est loin derrière les États-Unis, bien évidemment, il faut se le dire, mais on talonne désormais le Royaume-Uni, ce qui est une très bonne chose. On commence à regagner un petit peu du terrain du côté de l'Inde. Donc, dans ce pays-là, c'est 1,25 milliard d'habitants qui va privilégier traditionnellement de la sécurité de l'emploi, mais les jeunes sont le moteur du nouveau phénomène start-up, du nouveau phénomène qui est de devenir aussi un petit peu son propre patron, je dirais. Donc, il y a 3 créateurs fondateurs sur quatre de startups qui ont moins de 35 ans présentement en Inde. Ça décolle vraiment très rapidement. Il y a plusieurs personnes qui s'attendaient pas à ça. Il y en a qui sont nés et qui ont été élevés aux États-Unis. On a décidé de retourner en Inde parce que, bon, nos parents étaient indiens. On a décidé d'aller étudier aussi du côté de l'Inde, de voir le côté technologique qui est très développé là-bas et d'en faire tout simplement une nouvelle génération qui devrait devenir quand même très intéressante à regarder aller dans les prochaines années. Mm-hmm. J'ai hâte de voir ça. Et si vous aimez les startups et tout ce qui est démarrer votre propre entreprise, on rappelle que le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UQTR, le CEI UQTR, oui, dont on a reçu le porte-parole Philippe Compagnon lundi, propose le Startup Weekend. C'est 54 heures pour créer ta propre entreprise. Ça se passe les 3, 4 et 5 mars. Il y a une page Facebook Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UQTR. Cherchez CEI UQTR, c'est le premier résultat. Donc c'est 3, 4 et 5 mars. On les aime beaucoup, ces gens-là, il faut s'encourager. Okay, oui. Tout à fait. Mm-hmm. On parlait d'hydrogène aussi. La première voiture à hydrogène est arrivée à l'UQTR la semaine dernière. Hein? Oh, ouais. On se rappelle de ça. Oui, c'est si je me souviens bien, c'est le département d'ingénierie et d'hydro... Ouais, j'ai vu, il y a plein de voitures dans les corridors du pavillon Albert-Tessier en oui, ce moment. Oui, exactement. C'est cool. C'est quand même très plaisant. Ouais. Mon prochain sujet, en fait, on en a déjà discuté. C'est quelque chose qu'on a déjà dit simplement en commentaire dans l'émission. On parle souvent de l'éducation au Québec, comme quoi elle serait un petit peu désuet. Ouais. On en a déjà discuté, toi et moi, dans l'émission. On a déjà dit que, bon, il y a certaines choses qui devraient être apprises aux jeunes, comme les par finances. Exemple les finances du côté de l'économie. L'histoire ailleurs que juste le Québec. Exactement. Et certaines donc, parties le Canada. Oui, tout à fait. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a affirmé lui-même que la réforme scolaire est quand même due pour quelques changements. Il y a deux jours après la diffusion d'un reportage, il dévoilait qu'il y a des commissions scolaires de l'Estrie qui font passer des élèves d'un niveau à l'autre sans qu'ils aient obtenu la note de passage de 60 %. Hein? On se rappelle ici au Québec, c'est pas très très compliqué. Si tu veux passer un examen, ça prend minimum 60 %. Oui. Si tu veux passer ton année, ça prend aussi minimum 60 %. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a certaines commissions scolaires, à cause de la réforme, qui ne font pas ça, qui font tout simplement passer les gens qui sont déjà à moins de 60 % vers le niveau supérieur. Et le ministre a tenté, en fait, de se faire à un certain point rassurant, mais toujours en se posant les bonnes questions. Donc, on parle d'une première journée de travaux parlementaires pour Sébastien Proulx à titre de nouveau ministre de l'Éducation et on a dû défendre les pratiques de certaines commissions scolaires qui font justement passer ces élèves-là. Ça va faire des gens intelligents, ça, après, hein? Ben, avoue, mm-hmm. Hein? D'un niveau à l'autre, mais attention, pas au primaire. Au primaire, tu dis, OK, c'est peut-être, il peut y avoir certaines choses qui vont faire en sorte que ça va aller mieux dans la prochaine classe ou peu importe. Mais là, on parle du niveau secondaire. Ouais. Donc, sans qu'il y ait obtenu la note de passage, on va faire passer, par exemple, quelqu'un de secondaire 2 à secondaire 3. Ça veut dire qu'ils n'ont pas appris, ça. Ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas appris ou qu'ils ont mal su mettre en application ce qu'ils ont appris. Ouais, ou que les professeurs n'étaient pas adaptés à leur situation d'apprentissage, ça peut tout être tout à fait. La dernière réforme scolaire date de la fin des années 90, donc le nombre d'élèves du secondaire qui passent d'une année à l'autre sans avoir les acquis nécessaires n'arrête pas d'augmenter. Ça, on s'entend, c'est quelque chose dont on entend souvent parler. C'est pas quelque chose qui est nouveau non plus. Donc, c'est une situation qui est décrite par les enseignants au Québec. Et le ministre Proulx assure qu'il y a des mesures qui sont concrètes et qui vont bientôt être annoncées, justement dans le cadre de la politique sur la réussite éducative. C'est surtout ça qu'il faut mettre de l'avant. Si on met une note de passage à un élève, c'est parce qu'on veut s'assurer que cet élève-là n'aura pas de difficultés rendues au niveau supérieur. Et on veut surtout que les élèves aient une bonne réussite, aient une bonne connaissance de ce qu'ils apprennent. Alors, le 60 %, c'est bien évidemment pour ça. La Fédération des syndicats, elle, qui représente plus de 65 000 enseignants au Québec, voit pas les choses du même œil. Ça dit que c'est l'enseignant qui est seul dans sa classe qui se retrouve avec des élèves de différents niveaux. On doit adapter son enseignement et non pas l'éducation. Okay. Selon le syndicat, c'est sûr que, bon, sur un plan quelconque, on pourrait avoir un grand débat par rapport à ça, mais le plan d'intervention est plus le guide pour aider un élève à se décider et décider si un élève passe au niveau supérieur ou pas. Ce qui est le guide pour une école, ça va être l'organisation scolaire. Ça va être une mesure administrative. On va essayer de pouvoir remettre quelques cartes sur table, essayer de démêler ce qui se passe au niveau de l'éducation un petit peu plus dans les prochains mois et au cours des deux dernières années. Et c'est le gouvernement de Philippe Couillard qui a sabré plus de 1 milliard de dollars en éducation, ce qui est quand même une bonne chose. On s'entend, on a entendu souvent parler comme quoi Philippe Couillard mettait pas nécessairement assez d'argent dans l'éducation. Mmh. L'éducation, c'était une bonne chose. Fallait faire avancer les choses. Donc, malgré des compressions, malgré les objectifs qui ont été donnés, on parle justement d'augmenter le taux de diplomation. C'est ça le but dans les prochaines années pour les commissions scolaires et pour le gouvernement, le ministre de l'Éducation, c'est de s'assurer que le taux de diplomation va augmenter dans les prochaines années. Et on est à quelques jours simplement de la semaine de la persévérance scolaire. Donc, la Coalition Avenir Québec, la Fédération des syndicats de l'enseignement, eux se demandent et demandent surtout au gouvernement de réinvestir de façon massive en éducation, parce que le gouvernement a fixé une cible de diplomation de 80% et par la suite, on a coupé dans des mesures d'aide à la réussite. C'est dans les faits ce qui se passe, ce qui a énormément de pression sur les directions d'école, sur les enseignants pour faire passer des jeunes qui malheureusement n'ont pas les acquis. Donc on veut justement développer ces jeunes-là à avoir les acquis nécessaires pour avoir une bonne diplomation. Évidemment, c'est sûr que ça va passer par les profs, ça va passer par l'administration, ça va aussi passer par le gouvernement, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ça. On le sait, on a déjà discuté, on parlait d'un cours d'économie qui devrait être revu. Sur la vie, oui, en général. Qui va être revu, oui, exactement, pour que les jeunes aient et apprennent les connaissances de tout ce qui se passe lorsque tu as 18 ans. Ouais. Voilà. La vie d'adulte. Tout à fait. Ouais. Ce qui est quand même assez important. Oui, et difficile. Oui, quand même. Du côté régional, parce que j'en ai pas parlé, on n'a pas commencé par le régional en temps habituel, on commence par ça, mais là, j'ai quelques articles, alors je me suis dit, pourquoi pas faire un petit segment, enfin une chronique. Un paquet cadeau. Exactement, tout simplement, Mauricie. L'organisation des Aigles a laissé aller Steve Brown, de leurs joueurs. Il faut en parler, pareil, parce que, bon, on est radiodiffuseur officiel. Let's go, Steve Brown! Oui, c'est ça. Vous savez, si vous avez déjà été au stade de baseball, c'est probablement une des choses que vous avez entendues souvent. Pourquoi on en a tant parlé dans les médias, sur les réseaux sociaux? C'est parce qu'en fait, ça fait déjà 4 ans que Steve Brown fait partie de l'organisation des Aigles. Et après une fin d'été et une automne qui a été relativement tranquille, le nouvel entraîneur de l'équipe, TJ Stanton, a effectué un premier mouvement majeur, parce qu'on voit ça vraiment comme un mouvement majeur en termes de transition, en termes de transaction. Presque aussi un redémarrage sous TJ Stanton. Il était le remplaçant à l'époque. Donc, exactement. On est devenu gérant depuis. On a des commandes qui sont différentes. On veut aussi, bien évidemment, modeler une équipe sur laquelle on va pouvoir se baser pour gagner des peut-être, matchs. Ça, ce serait une bonne chose. Ben, en sport, d'habitude, c'est ça qu'on veut. Ben oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs amateurs, en fait, qui s'attendaient à pouvoir l'encourager de nouveau au stade de Trois-Rivières durant l'été. Mais le vétéran Steve Brown, qui est une des figures pro des Aigles de Trois-Rivières depuis 2013, c'est surtout pour ça qu'on en a entendu parler un petit peu dans les médias régionaux. C'est il y a quelques jours, le Colombien de 30 ans se livrait à cœur ouvert dans une entrevue au Nouvelliste qui manifestait son inquiétude à devoir quitter une ville qu'il avait adoptée. Ouais. Quand les gars arrivent ici, bien évidemment, ils n'ont pas nécessairement grand-chose. On se lie d'amitié avec les gens qui sont trifluviens. On n'a pas vraiment le choix. Ils sont hébergés par des familles. Je sais qu'il y a... Il y en a certains qui se font héberger par des familles. Donc, de ce côté-là, Trois-Rivières devient un petit peu comme une seconde famille, une seconde maison. Et à ce moment-là, Steve Brown n'avait toujours pas reçu de coup de fil de Stanton. Et il appréhendait lui-même une transaction, surtout dans l'attente, comme ça, sans trop savoir ce qui se passait. Et qu'il voyait bien évidemment qu'il y avait d'autres piliers de l'équipe qui s'en allaient comme ça. Et le joueur qui avait un statut de vétéran, un puissant frappeur, un voltigeur de centre, nous a quand même donné plusieurs points au cours des dernières années. C'est un très bon joueur. On s'en défait pas comme ça parce que c'est pas un bon joueur. C'est tout simplement dans la transaction des joueurs. On pense que d'aller chercher d'autres joueurs, peut-être deux joueurs pour un joueur, va nous être plus bénéfique cette année en termes d'équipe. Donc, son nom apparaît dans plusieurs sections du livre des records de la jeune concession, notamment pour le nombre de points marqués avec les Aigles, les points produits, les coups sûrs, les circuits, les buts volés, les doubles et les triples. Donc, un gros morceau, là. Exactement. Steve Brown, c'était un petit peu un très gros morceau de l'équipe des Aigles. Et là, on voit que c'est un petit peu triste. On s'en est départi, mais justement, comme je le disais, c'est pour mieux aller chercher un avantage à notre équipe. On va pouvoir travailler d'arrache-pied durant le début de l'été pour arriver au moins à avoir un petit peu plus de victoires que l'année dernière. Dernière place ou avant-dernière place l'année passée? Avant-dernière place. Dernière place. Oh. En tout cas, au fond du baril, on va se le dire, alors que l'année précédente, c'était la coupe que l'équipe avait gagnée. Donc, il faut revenir à ça cette année si on veut que l'équipe continue. Exactement. Ouais. C'est quelque chose que je pense qu'on doit faire du côté de l'organisation des Aigles parce que ça fait partie de notre, j'ai goût de dire entre guillemets, là, de notre culture trifluvienne que de passer une soirée au stade pour plusieurs. Il y a plusieurs gens qui font ça depuis des années que d'aller voir les Aigles au stade de baseball ou de l'écouter en ondes sur les ondes de C'est fou 89 FM, même à l'intérieur du stade. Donc, ça fait partie un petit peu de notre routine quotidienne de trifluvien, de se dire « bon, à soir, les boys! Baseball! On s'en va au baseball! » Tu sais, donc, d'avoir une bonne équipe qui va bien nous représenter comme ça. Surtout que l'année dernière, on a terminé en dernière position après avoir gagné le championnat l'année C'était d'avant. C'était déprimant. Là. C'était un petit peu difficile pour les partisans, mais là, je sens que les partisans sont d'attaque. Ils sont derrière l'équipe et on voit aussi que l'organisation est en train de monter une bonne équipe et une belle équipe pour l'année prochaine. Tant mieux. Du côté, encore une fois, régional, je sais pas si c'est du genre à emprunter le pont La Violette quand même assez souvent, mais ceux qui le font, on a constaté déjà depuis quelques années qu'il y a une ligne continue sur le pont La Violette et elle va rester là pendant plusieurs années encore. Pourquoi? En fait, c'est tout simplement cette ligne-là, elle est là depuis le printemps 2014. Il y a une ligne qui est continue et elle est peinte entre les deux voies d'une même direction sur le pont La Violette. Malgré... Pouvoir dépasser, c'est ça? Exactement. C'est justement ce que je voulais rappeler. Lorsqu'il y a une ligne pleine, vous n'êtes pas censé vous tasser. J'ai pas de permis, puis je sais ça. Donc, en mai de la même année, en 2014, le ministère des Transports indiquait qu'il s'agissait d'une mesure qui était temporaire. Par contre, trois ans plus tard, ce qu'on se rend compte, c'est que la ligne continue, est toujours visible, est encore là, et elle va rester là encore quelques années. C'est trop cher à peinturer. Ben, en fait, c'est que cette mesure devait permettre de maintenir la circulation pendant certaines opérations, parce qu'on sait, il y a quand même souvent des travaux sur le pont La Violette ou encore de l'autre côté des deux ponts, peu importe de quel côté on se situe, il y a parfois des travaux qui sont là. Donc, c'était censé maintenir la circulation pendant les opérations qui étaient données et la ligne continue permet de mettre en place une circulation qui est à contresens sur une voie dans chaque direction. Donc, si on fait, par exemple, des travaux sur les deux voies qui sont à gauche, bien, ça peut nous permettre de faire une voie aller, une voie retour à contresens dans les deux voies qui sont à droite qui, en temps normal, devraient être dans la même direction. C'est un petit peu pour ça qu'on a créé la ligne pleine. Et les petites lumières en haut qui te rappellent de quel côté la circulation exactement. Roule. Surtout, n'oubliez pas de les regarder. Hein? Ouais. C'est un petit peu plate, face à face comme ça. Donc, depuis 2014, la ligne continue a pratiquement toujours été laissée en permanence. Comme des travaux sont prévus chaque année sur le pont, elle va y rester là encore quelques années. Et c'est ce qu'a fait savoir Jean Lamarche, qui est porte-parole du ministère des Transports en Mauricie, centre du Québec. Il est arrivé de la retirer pendant l'hiver, mais pour ça, ça demandait comme démarche que ça devait vraiment amener beaucoup de changements. Et on a décidé de la laisser en place en tout temps, tout simplement. J'y vois pas quelque chose de très, très négatif par rapport à ça, honnêtement. Je pense pas que la population non plus va être fâchée de cette décision-là. Parce pour pouvoir dépasser, finalement. Exactement. Écoute, de toute façon, en temps normal, sur le pont, c'est censé être 70. Fait que dis-moi pourquoi tu roules 120. Ouais, genre. C'est vrai, ça. Hein? Très bien. Moi, quand j'emprunte le pont La Violette, puis que je me fais coller parce que je roule 70, puis que le gars en arrière de moi a le goût d'aller à 90, puis qu'il peut pas dépasser, puis qu'il me dépasse pareil, ça me frustre légèrement. Calme-toi, Tania, calme-toi. Donc, en fait, de cette façon-là, on peut réaliser qu'il y a divers travaux qui assurent justement la sécurité des travailleurs, et c'est pour ça que des lignes comme ça sont là. Ouais. C'est une mesure qui permet d'augmenter l'efficacité des plages horaires aussi sur les chantiers, qui sont souvent de nuit ou encore de fin de semaine. Donc, une ligne comme ça va permettre de l'efficacité de cette plage horaire-là. Et il faut savoir aussi que la ligne continue permet de minimiser le temps consacré à l'installation et à la gestion d'une signalisation qui va être temporaire. Si, par exemple, vous avez des travailleurs de nuit qui vont être sur le pont, qui vont souder ou peu importe, et on va y aller justement avec les fameuses flèches. Et cette ligne-là va justement permettre d'empêcher de devoir mettre des cônes partout aux trois pouces. Ouais. Donc, de ce côté-là, c'est une bonne chose. C'est une conséquence, par contre, parce que, comme on le disait, on ne peut pas dépasser. Mais attention, il va y avoir des conséquences si vous dépassez. C'est un article du Code de la sécurité routière. Si vous voulez, c'est 326.1. Et ça dit, le conducteur d'un véhicule routier ne peut franchir une ligne de démarcation de voie continue simple. Cette règle s'applique sur le pont La Violette, mais peu d'automobilistes la respectent. Ah ouais. Très peu, parce que les gens semblent à un certain moment oublier qu'une ligne pleine, c'est pas censé être dépassé. C'est la base, dépassé. Exactement. Ouais. Donc, on s'expose, en fait, lorsqu'on décide de faire ça, à une amende de 200 $, sans compter 71 $ de frais judiciaires et une contribution de 40 $ à la SAQ. Ben oui. Donc, si on calcule ça comme ça, ça nous fait aux alentours de 315 $ pour avoir dépassé sur une ligne pleine. T'as-tu compris? Ça vaut pas la peine. Non, garde-toi une petite gêne. C'est ça, exactement. Et si je peux me permettre de rester dans le domaine de la signalisation, moi qui est à pied, évidemment, devant les cubes, on a rajouté un nouvel arrêt stop clignotant. Oh! T'as l'arrêt stop normal, puis après ça, t'as l'arrêt stop clignotant pour dire aux automobilistes, les gens ont priorité quand ils traversent à pied. C'est surtout ça. J'aime ça aussi parce que y a des cours de soir souvent, et on va pas nécessairement voir les arrêts stop d'une très bonne façon sur le campus de l'UQTR. C'est pas quelque chose qui est majeur, sauf qu'on les voit rarement. Ouais. Donc, de soir, c'est une bonne chose, ça soit flashant. Clignotant, j'aime bien ça. Par contre, chose vraiment stupide, tu sais, je termine l'impro vers les 22h30 environ, les lundis soirs, et je vais traverser pour aller prendre l'autobus vers le stationnement alternatif. Les pavillons sont barrés. Oh non. À ce temps-là. Fait que le message passe en ondes, là. J'aimerais ça que les pavillons restent débarrés jusqu'à 23h comme ils sont supposés. S'il vous plaît. Voilà, c'était mon commentaire. C'est correct. Ouais. Voilà. T'avais fini? Ben oui, j'ai terminé. Ben, Colin, ça fait le tour de ce qu'on a. Ben, ce qui a retenu mon attention dans l'actualité cette semaine. Tu retiens des bonnes choses dans l'actualité cette semaine, Tania. Merci. On fait ça tous les jeudis, en général. Le bloc de nouvelles, ce qui a attiré Tania Attention, qu'on l'appelle, dans Tania is Gonna Entertain You, tous les jours de semaine à Assemblage Rock. On écoute une pièce musicale, on est dû pour une petite chanson, là, même si le temps avance et le temps file. Mais on écoute Darcy's. Voici Coming Up for Air, toi qui as passé. Toute la soirée à patauger dans les nouvelles. Maintenant, tu dois reprendre ton souffle. C'est ça. D'un six à son âge requis. Lay yourself out like a constellation across the floor. Arch your back at your imagination. Take hold, hold your breath, I feel the inhalation, fill up your lungs, and close your eyes and let the trepidation unabandon your bones and let yourself go.

de prendre ton petit billet puis d'aller à la caisse, tu prends une petite pastille qui est programmée pour être synchronisée avec ta table. Donc, quand tu déposes la pastille sur la table, ça crée un lien. Et comme ça, le serveur peut savoir où t'es rendu dans le restaurant. Et là, ils viennent te porter un cabaret avec genre, bon, des petits sachets de ketchup, du sel. Ils te demandent, voulez-vous, quel liqueur voulez-vous? Ils vont te chercher un Coke Zero. Est-ce que vous voulez des napkins? Hey, je veux pas, si je vais chez McDo, c'est pas parce que je veux parler à quelqu'un, d'habitude. Ouais. T'sais, sinon, j'irais dans un restaurant où on s'assoit, un sit-down restaurant. Ouais, j'avoue. J'aime vraiment pas le principe, mais bon. Donc, selon la presse, le service aux tables qui devait approfondir l'expérience client chez McDonald's et contribuer à la révolution de sa marque n'est déjà plus offert. Son implantation devait pourtant se terminer à la fin de l'année. Dans 1000 McDonald's au Canada, les clients qui personnalisaient leur hamburger avaient droit au service à la table. Le sandwich qui était, ça c'est quand même bien présenté sur une petite planche de faux bois, c'était du plastique, recouvert de papier ciré, et les frites étaient servies dans un panier de métal comme chez AEW. Un employé se chargeait même d'apporter les boissons et les condiments, comme je l'ai dit. À la même date, l'an dernier, l'étonnant service était seulement offert dans une poignée de restaurants au Québec, mais la plupart des McDonald's de la province ont ensuite proposé à leurs clients au cours de 2016. Depuis quelques jours, donc, le service aux tables n'est plus offert. D'ailleurs, les supports à localisateurs électroniques qui permettaient aux employés de repérer les clients étaient vides lors de la visite de la presse. On a déjà débarrassé le fait comme si ça n'existait pas. T'sais. C'est ça, ça n'a pas été long. On peut encore, par contre, personnaliser son hamburger. J'aimais beaucoup le menu créé à votre goût. Tu pouvais ajouter de l'aioli, du bacon fumé, différents champignons. Tu pouvais faire plein de choses. Par contre, c'est plus mis en évidence sur les bornes de commande. Et on a enlevé beaucoup d'options. Là où ça subsiste encore, c'est pas tous les restaurants qui offrent la personnalisation, mais le choix de garniture a été réduit de moitié. Lors du lancement officiel en septembre 2015, l'entreprise se vantait d'offrir à ses clients près de 30 options, dont 5 sortes de fromage, 12 condiments, 9 sauces. Désormais, les garnitures plus haut de gamme, comme les champignons sautés dont j'ai parlé, et le fameux pesto aux tomates séchées que j'adorais donc, ne sont plus offerts. Cet important changement de philosophie pour l'enseigne de restauration rapide avait requis des investissements considérables de la part des franchisés, notamment parce que les sandwichs personnalisés étaient préparés dans une station de travail individuelle consacrée juste pour le menu créé à votre goût. Vu la grande quantité de garniture, on avait embauché quelques dizaines de personnes par restaurant afin de couvrir l'écart de travail. On avait dit qu'il y aurait plus de personnes embauchées, même si les gens parlaient que ça allait enlever des jobs, c'était pas vrai. On avait embauché 15 000 personnes en 2016. On devait embaucher en 2016 et 2017 15 000 personnes. L'entreprise aurait fait travailler 100 000 personnes plutôt que 85 000 grâce à ces bornes-là. Aux États-Unis, le service aux tables est présentement en train d'être introduit, malgré l'échec ailleurs. Donc, on va voir si ça va tenir. McDonald's, donc, dit dans le reste de l'article, je saute plein de boules, mais évidemment, vous avez sûrement entendu parler dans les grands médias qu'à compter du 21 février, il va y avoir la possibilité de déjeuner à n'importe quelle heure dans les McDonald's au Canada. C'est comme ça aux États-Unis depuis longtemps. Donc, on ne sait pas encore nécessairement ce qui va changer, mais le franchisé individuel à qui la presse a parlé a indiqué que le nombre de condiments avait été réduit afin de pouvoir en vendre, donc des hamburgers personnalisés au service à l'auto, et entre autres, donc, pour pouvoir servir le déjeuner toute la journée. J'imagine que les employés vont être réaffectés à d'autres tâches. Moi, je trouve absolument parfait comme ça qu'on ait plus le service aux tables parce que j'aimais pas la formule du tout. Ouais, tant que ça. C'était fatigant parce que quand tu manges chez McDonald's, l'idée c'est de manger rapidement. Tu te fais servir rapidement, tu manges rapidement. Tu veux pas que quelqu'un vienne te demander est-ce que c'est à votre goût? Ça, c'est vrai. Ça, t'as raison. Non, ça va être un restaurant plus luxueux avec un menu pour lequel tu t'assois. Là, je me fais demander si c'est à mon goût. Dans un McDonald's, le goût est toujours pareil, quasiment. T'as pas besoin de me demander ça. T'as pas tort. Puis t'as pas besoin de venir me demander quelle sorte de liqueur que je veux, puis je veux du ketchup. Le bar et ketchup juste à côté. En plus. Moi, ça m'énerve. Bref, c'est mon opinion. C'est ma opinion. Le colorant alimentaire E171 fait de nanoparticules de dioxyde de titane est-il nocif? Très utilisé dans l'industrie agroalimentaire, l'additif E171, c'est-à-dire des nanoparticules de dioxyde de titane, favorise l'apparition de lésions précancéreuses dans le côlon chez le rat. Après cette étude de 4 ans, 3 ministres ont saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour évaluer le risque éventuel pour les consommateurs. Donc, c'est un additif qui est utilisé communément dans l'agroalimentaire pour blanchir et opacifier les dentifrices, des confiseries ou des plats préparés, induit et promeut la croissance de lésions précancéreuses chez le rat, selon une étude menée depuis 4 ans par l'INRA. Cet additif, en fait, donc, est composé à 45% de nanoparticules et pénètre la paroi de l'intestin du rat en provoquant une baisse de l'activité de son système immunitaire. Il est donc lors d'une exposition orale dite chronique, sur 100 jours au 171, un terrain micro-inflammatoire se développe sur la partie terminale de l'intestin, le côlon. Au terme de ce délai, 40% des rats étudiés présentaient des lésions précancéreuses sur le côlon. Et sur un lot de rats présentant tous déjà des lésions précancéreuses, l'ingestion durant 100 jours a produit un grossissement des lésions chez 20% d'entre eux. Le dioxyde de titane, qui est l'un des 5 nanomatériaux de synthèse les plus couramment utilisés dans des produits de consommation à usage quotidien comme l'alimentation. Et en juin dernier, l'ONG Agir pour l'environnement avait alerté sur la présence de nanoparticules comme le dioxyde de titane dans de nombreux produits alimentaires et notamment dans plus d'une centaine de confiseries sans qu'elles soient signalées sur les étiquettes. Les nanoparticules qui relèvent de l'extrêmement petit avec des dimensions de l'ordre du nanomètre, soit 50 000 fois plus petites qu'un cheveu, ont la capacité de franchir des barrières physiologiques comme celle de l'intestin, du cerveau ou des reins. En ce qui concerne le dioxyde de titane, une évaluation par l'Agence du cancer de l'OMS a conduit à la classer comme cancérogène possible pour l'homme en cas d'exposition professionnelle par inhalation. Donc on va évidemment suivre ça, voir si c'est peut-être interdit ou réglementé un petit peu plus peut-être à travers le temps. On parle maintenant d'huile de palme. Le substitut palme pourrait enfin la remplacer. Remplacer l'huile de palme, un désastre écologique pour une merveille, mais une merveille pour l'industrie agroalimentaire, serait un bienfait pour la planète. Les alternatives proposées ne connaissent pas un gros succès, mais le substitut palme, un produit à base d'huile de tournesol mis au point à Toulouse, part avec de bons atouts. Elle est solide à température ambiante, mais fond dans la bouche. Elle n'a pas de goût et ne rancit pas. Ça veut dire qu'elle passe pas date. Mm-hmm. Elle évite les conservateurs et l'hydrogénation procédée à décrier. L'huile de palme a tout pour elle et les industriels oui, de l'alimentaire en font grand usage. Des plats préparés aux viennoiseries en passant par les biscuits et les pâtes à tartiner, un peu la même chose que le produit qu'on a mentionné dans la précédente nouvelle. Les conséquences sur l'environnement sont connues. Des forêts tropicales entières sont rasées avec leur écosystème et leur emblématique orang-outan. Pour la remplacer, on a parfois recours au beurre de karité, à l'huile de coco ou à d'autres huiles végétales, tournesol ou arachide, mais le résultat est toujours plus cher et moins pratique pour l'industriel. Un nouveau produit baptisé Substitut Palme vient d'être annoncé comme le fruit d'un partenariat entre le laboratoire CNRS des IMRC pour interaction moléculaire et réactivité chimique et photochimique à l'Université Paul Sabatier de Toulouse et deux entreprises, Nathaïs et Poult, respectivement spécialisées dans les popcorn et les biscuits. Le projet entre 2013 et 2016 avait été soutenu par la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Cette formulation est à base d'huile de tournesol et le procédé convient à un certain nombre de produits. Une demande d'agrément à l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vient d'être déposée et Nathaïs promet les premiers pop-corn sans huile de palme en 2018. L'intérêt du tournesol est d'être une source locale, mais le coût final restera plus élevé. Quant au procédé et à la composition exacte, oui, il reste, semble-t-il, confidentiel pour l'instant. Et finalement, des étudiants envisagent de brasser de la bière sur la Lune. Oh, d'accord. Quel goût aurait une bière brassée sur la Lune? Une équipe d'étudiants qui a vu son projet de brasserie lunaire expérimentale retenu avec 24 autres parmi les 3000 en lice pourrait peut-être y répondre. Il ne leur reste plus qu'à décrocher une place à bord du rover de la start-up indienne Team Indus. On en a parlé tantôt justement de start-up indienne, c'est mm-hmm. cool. Celui-ci est d'ailleurs un des 5 finalistes du grand concours Google Lunar X Prize qui remettra 20 millions de dollars aux vainqueurs. Donc, si vous avez envie de boire une bière brassée sur la Lune, ça pourrait être une réalité dans votre vie grâce au défi relevé par un groupe d'étudiants de l'Université de Californie à San Diego. La commercialisation n'est pas encore pour tout de suite, loin même, mais en tout cas, le projet existe, porté par la Team Original Gravity, et il est en bonne voie pour être réalisé. Tous âgés de moins de 25 ans et amateurs de bière, les chercheurs font partie de l'une des 25 équipes finalistes sélectionnées par le Lab to Moon sur 3000 pour embarquer leur expérience à bord du futur rover lunaire indien de la start-up indienne Team Indus. Pourquoi tenter de brasser de la bière sur notre satellite pour étudier le comportement des levures dans l'espace? En fait, cela ne serait qu'une partie de l'expérience. La relation symbiotique entre l'homme et la levure serait sans aucun doute vitale pour la colonisation future de la Lune et d'autres planètes, explique-t-il dans leur dossier de candidature. Cela pourrait servir dans le développement de produits pharmaceutiques et aussi d'aliments comme le pain. Les autres expériences sélectionnées par Team Indus concernent des protections contre les radiations, l'avance des plantes dans le sol lunaire, un test de dôme gonflable, une banque génétique des espèces terrestres en danger, etc. Allez voir plus de détails sur assemblagerequis.com. Voilà, c'est tout. On a plein de nouvelles en bref à faire la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, on va se faire un blitz de nouvelles. Ok, oui. Si on a le temps, ça serait cool. Donc voilà, assemblagerequis.com pour les notes de cette chronique. C'est dans les notes de l'émission numéro 1065. C'est là-dessus que se termine Assemblage Requis pour aujourd'hui. Génie en liberté s'en vient dans quelques minutes à peine. Après ça, ce sera Patriote en action à 11h. La rediffusion du Mathieu Plante Show à midi. La sortie secouée à votre gauche en rappel à 15h. L'Hub Trotter en direct à 16h. Et Très Blue, ça c'est fou, aussi en direct à partir de 19h. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblage Requis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Merci à Alex Marchand de la GQTR. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. On se retrouve lundi entre 6h30 et 9h30. Et lundi, à l'émission, on aura ta chronique Sport et Filoché. C'est pas mal tout ce qu'on a lundi. Ça devrait, peut-être un Tania is gonna entertain you, on sait pas encore. Ça le fun, ça. Une des émissions rares où on est seuls tous les deux. Donc, exactement. C'est lundi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Passez donc une excellente fin de semaine. Ben oui, pourquoi pas. Toi aussi, Tania. Merci, toi aussi, Matt. Bon café, surtout. Merci. N'oublie pas de consommer beaucoup de café. Oui, le plus possible. Exactement. Je vais battre des records aujourd'hui. j'ai parlé à la Sonia Couillé qui disait qu'elle en buvait 8. Oui, par j'ai jour entendu. Ça ressemblait à nous en début d'année. Ben oui, mais là, 8. Je me suis jamais rendu là. Tu t'es jamais rendu à 8 cafés? Je pense pas, non. Hey. Ah, peut-être une fois chez Normandin. T'es pas un vrai. C'est ça. Oui, rappelle-toi la fois du Normandin, Mathieu. Bonne fête de semaine. 12 cafés. Bye.